Chapitre 28e. Depuis que les volontaires étaient dans la boucle de la Marne, leurs officiers ne cessaient de demander qu'on les envoyât dans un poste où ils pourraient faire un service plus actif. Les hommes étaient aguerris, bien exercés, rompus à la fatigue, habitués à la dure et aux privations. Ils pourraient ailleurs être plus utiles que dans cette vaste guérite, où il leur était défendu de prendre l'offensive. À rester toujours dans la même position, à faire toujours la même chose, ils perdaient peu à peu les uns après les autres quelques-unes de leurs qualités. Assurément, ils étaient loin d'être au mois de janvier ce qu'ils étaient à la fin de novembre. Pour un certain nombre, le doute et le découragement étaient venus amenant avec eux ce mot terrible « à quoi bon ?». D'autres, exaspérés par la sévérité de Michel, avaient pris la permission à la semelle de leurs souliers et étaient rentrés à Paris sous un prétexte ou sous un autre, sans esprit de retour. Il était temps de les faire agir. Telle était leur situation au milieu de janvier, lorsque l'ordre de quitter la boucle de la Marne leur arriva. Les préparatifs de départ furent vite faits, et ce fut gaiement que l'on se mit en route. Ceux qui avaient persévéré quand même dans l'espérance relevèrent la tête et accablèrent ceux qui doutaient. Partis le matin de la Varenne, avant le lever du jour, ils n'arrivèrent que le soir aux environs du Mont Valérien, car ils trouvèrent sur leur passage de grands mouvements de troupes et des encombrements qui les retardèrent. En traversant Paris, ils avaient marché à côté du bataillon de la garde nationale qui se dirigeait vers le pont de Courbevoie. C'était la première fois que le colonel voyait cette garde nationale mobilisée, dont il avait si souvent entendu parler depuis quelques mois, et d'une façon si contradictoire, par quelques militaires avec le plus parfait mépris, comme d'un joujou dangereux pour la main qui voulait s'en servir, par des gens qui ne subissaient pas les préjugés professionnels avec confiance, comme d'une force dont on pouvait tirer grand parti si l'on voulait l'employer d'une façon intelligente. Il fut surpris de la tenue de plusieurs des bataillons qu'il vit de près. Ce n'étaient plus les bruyants fanfarons du commencement de septembre. Les physionomies étaient graves et fermes, c'étaient des hommes, et beaucoup étaient déjà des soldats. Que n'eût-on pas pu faire de cette armée si, dès les premiers jours du siège, on avait eu confiance en elle, si l'on avait voulu l'organiser et l'exercer au lieu de l'user dans la garde des remparts ou de la laisser dans l'oisiveté? Maintenant était-il temps encore de la conduire au feu? En tout cas, ceux qui passaient devant ces nombreux bataillons, où toutes les classes sociales se trouvaient représentées, se sentaient réconfortés. Si ces hommes ne se battaient pas bien, au moins ils se battraient bravement, et pour tirer d'eux tout ce qu'ils pouvaient donner, il n'y avait qu'à les engager dans des conditions où la fermeté et le courage tiendraient lieu d'expérience. L'ordre avait été donné de se mettre en marche longtemps avant le jour, et l'on était parti par des chemins glissants, où l'on tombait à chaque instant dans des ornières pleines d'eau. On avançait lentement, deux à deux, sans trop savoir où l'on allait, si ce n'est qu'on allait à la bataille. À droite, se dressaient des coteaux dont les crêtes se découpaient en noir sur le ciel. À gauche, courait une large bande blanchâtre, qui était la Seine. Au-delà, quelques rares lumières indiquaient l'emplacement de Paris. Toute la campagne était pleine de troupes. À chaque instant, dans l'ombre, on aperçoit des masses noires. Ce sont des régiments qui attendent l'ordre de marcher en avant. Les bataillons de la garde nationale se distinguent de loin, avant même qu'on puisse les voir, par un murmure joyeux qui s'élève de leur rang. Ceux-là certainement sont heureux d'aller au feu. Ils ont l'entrain. « En avant » crie-t-il à ceux qui passent devant eux, tandis qu'ils restent l'arme au pied. Souvent, il faut s'arrêter pour laisser le passage libre à des troupes qui arrivent de Paris et qui vont occuper leur position. Il semble qu'il règne un certain désordre, et qu'on ne sait pas trop où l'on doit se rendre ni ce que l'on doit faire. Les officiers d'état-major jurent plus qu'ils ne parlent et font des gestes désespérés. On a sans doute négligé de prendre pour guide des gens du pays, qui pourtant eussent été faciles à trouver. Je ne sais pas. Où vous voudrez ? Ce sont les mots qu'on entend le plus souvent dans les colloques dont on saisit quelques bribes au passage. Cependant, après avoir piétiné et glissé dans les terres grasses, on arrive dans des vignes, où l'on fait halte pour attendre le jour, c'est-à-dire le moment de l'attaque. On est à quelques pas de l'ennemi, et le silence s'est fait de lui-même dans les rangs, sans que les officiers le commandent. On sent qu'une parole trop haute peut être saluée par une balle. À la pâle clarté du matin qui se lève, on voit des troupes couchées ou accroupies dans les vignes. Les hommes, espacés en tirailleurs, ont le fusil entre les mains. Au-delà de Paris, le ciel s'emplit d'une lueur blanche, et les monuments de la grande ville se détachent en noir, dessinant nettement leur silhouette sur ce front lumineux. C'est le jour. Le moment est solennel et une émotion patriotique serre les cœurs. Un signal part du mont Valérien. Aussitôt, les détonations pétillent sur les coteaux et dans les bois. La bataille est commencée. Michel est en tête de ses compagnies et abrité derrière un mur au-dessus duquel il montre seulement son képi. Il dirige le feu de ses hommes. Antoine et le colonel sont à côté l'un de l'autre, mais ils tirent peu et seulement quand ils voient une casquette noire et rouge surgir au-dessus d'un mur. La fusillade continue assez longtemps, mais sans produire grand effet d'un côté comme de l'autre. Pendant qu'elle se prolonge ainsi, d'autres troupes ont avancé à droite et à gauche. Une sorte de mouvement tournant s'est prononcé. C'est le moment d'agir. « En avant !» crie Michel. « À la baïonnette, maintenant ou jamais !» On le suit. Les balles sifflent. Quelques hommes tombent ou s'arrêtent. Mais bientôt, on est au milieu de la position. Les clairons sonnent. L'ennemi a disparu. Quelques traînards jettent leurs fusils. C'est bien commencer la journée. Mais pour avancer davantage, pour attaquer les retranchements derrière lesquels les Prussiens font un feu nourri, il faut de l'artillerie et on doit l'attendre. On l'attendit longtemps. Comme on ne pouvait avancer, comme on ne voulait pas reculer, on tâcha de s'établir le mieux possible dans quelques maisons à demi ruinées pour répondre efficacement et sans trop de pertes à la fusillade de l'ennemi. Tout d'abord, Antoine et son neveu se trouvèrent dans la même maison. Mais ensuite, ils se séparèrent, Antoine restant dans cette maison, le colonel poussant un peu plus en avant avec quelques hommes. Et pendant plusieurs heures, ils tiraillèrent ainsi, attendant toujours le concours de l'artillerie, tandis qu'autour d'eux se livrait la bataille. Ordre leur avait été donné de tenir là tant qu'ils pourraient, et ils tenaient, se désespérant de ne plus pouvoir avancer. La place était mauvaise, quelques hommes avaient été blessés, et ceux qui restaient se croyaient abandonnés et sacrifiés. Quelques soldats de la ligne se trouvaient avec les volontaires. D'autres voulurent se replier, et comme le colonel tâchait de les arrêter. « Vous ne voyez donc pas, dit l'un d'eux, qu'il s'agit seulement de faire casser la gueule à quelques gardes nationaux pour que les braillards se taisent. Moi, je m'en vas. » Et de fait, il s'en alla avec un de ses camarades. Les autres restèrent, et la fusillade continua plus ou moins vive. Enfin, après plusieurs heures d'attente, une détonation retentit derrière eux. L'artillerie était arrivée. Mais la réplique ne tarda pas. Une grêle d'obus tomba sur les quelques maisons où ils étaient retranchés et sans doute sur les pièces qui venaient d'arriver. Tant que les Prussiens n'avaient été attaqués que par la fusillade, ils avaient répondu par la fusillade. Le canon s'en mêlait, ils faisaient à leur tour parler le canon. Si la position était mauvaise, quand il n'y tombait que des balles, elle devint intenable quand il y tomba des obus. À ce moment, Michel arriva dans la maison où le colonel s'était, tant bien que mal, abrité avec quelques-uns de ses camarades, dont deux déjà étaient hors de combat. « Je vous cherchais, » dit Michel. « Vous voyez, j'étais là. Il faut tenir. Nous tiendrons. » Et sans plus de paroles, il continua de tirer par un trou de mur. En reculant un peu pour prendre des cartouches, il aperçut Michel, qui s'était armé d'un fusil et qui tirait par la fenêtre. Les obus continuèrent de pleuvoir autour d'eux, éclatant avec fracas, brisant, pulvérisant tout. Trois de leurs camarades furent blessés, et bientôt ils ne furent plus que deux en état de tirer. On n'entendait plus les détonations de l'artillerie qui était venue les soutenir. Sans doute, les pièces s'étaient retirées ou elles avaient été démontées par l'effroyable bombardement qui s'était abattu sur elles. Cependant, Michel et le colonel, ayant pris les cartouches de leurs camarades blessés, continuaient de tirer rapidement. « Il faut nous faire tuer !» criait Michel. « Tous deux, oui, tous deux !» Ils s'arrêtèrent de tirer pour se regarder. L'un et l'autre en étaient arrivés, par des routes différentes à la même conclusion, au plus heureux des deux. Et Michel, avec sa violence habituelle de sentiment, laissait échapper son secret. En même temps, ils détournèrent les yeux et recommencèrent à tirer. Mais leurs fusils étaient les seuls dont ils entendissent les détonations. Les maisons environnantes étaient abandonnées par leurs camarades, soit que ceux-ci se fussent repliés, soit qu'ils eussent été blessés. Et c'était sur eux maintenant que se concentrait la fusillade et le bombardement. L'ennemi se rapprochait, et il était évident que d'un moment à l'autre, il allait revenir en force pour éteindre cette résistance. Tout à coup, Michel s'affaissa. « Blessé !» s'écria le colonel. « Oui, allez-vous-en. Nous ne nous faudrons pas tuer tous les deux. Un seul suffit. Le sort a voulu que ce soit moi. Partez. Sans vous, jamais. » Et vivement, le colonel s'accroupit devant Michel. « Essayez de monter sur mon dos, je vous emporterai. Non. Montez ou je vous prends dans mes bras. Allons, essayez. »« Bien. Passez votre bras autour de mon cou, mais ne serrez pas trop. » Il fallait sortir de la maison. Heureusement, il y avait une porte de derrière, ou plutôt une large ouverture faite par un obus. Le colonel, chargé de son fardeau, se mit à courir aussi vite qu'il lui fut possible. Mais il fallait trouver son chemin au milieu de ces décombres. Il fallait ne pas glisser sur la terre glaise. Et les balles et les obus continuaient de siffler autour d'eux. Ils étaient sortis des maisons et ils allaient entrer dans les vignes où le matin ils avaient passé. À une certaine distance devant lui, le colonel apercevait les lignes françaises qui se repliaient. Il ralentit le pas. Mais les champs étaient coupés de fossés qu'il fallait traverser. Heureusement, les balles ne les poursuivaient plus. Au moment où le colonel, descendu dans un de ces fossés, essayait de gravir la pente opposée, il aperçut à une courte distance deux hommes en blouse blanche blottis derrière un buisson d'un brancardier assurément. « À moi » cria-t-il. Et il resta, le corps à moitié sorti du fossé, attendant qu'on vînt lui donner la main. Les deux hommes s'étaient levés. L'un était de grande taille, large d'épaule. L'autre était moins vigoureux, mais chose étrange, il ressemblait à un Anatole Chamberlain. Ils avaient fait quelques pas pour venir au fossé. Tout à coup, ils s'arrêtèrent, et une voix, qui ressemblait à celle d'Anatole, dit « Oui, c'est bien lui ». Alors, le colonel vit l'homme de grande taille étendre vivement vers lui une main, dans laquelle brilla un revolver, et trois coups de feu retentirent. Il se laissa glisser au fond du fossé, Michel roula près de lui. « Restez là !» dit le colonel, et s'armant de son revolver, il leva la tête au-dessus du fossé. Mais les deux brancardiers avaient disparu. Alors il revint à Michel. « Êtes-vous donc blessé de nouveau ? Je ne crois pas. » Puis tout de suite, « Vous l'avez reconnu ?» demanda Michel. « Qui ? Anatole ?»« Ni vous ni moi, nous ne devons l'avoir reconnu. » Et de nouveau, ayant chargé Michel sur ses épaules, il put se rapprocher des lignes françaises.